Le 22 courant, 6 formations civiles et sociales, comme l'action de la population extraordinaire pour la retraite du pouvoir de Bakounine, ont tenu une conférence de presse devant le siège du gouvernement à Séoul et souligné qu'il faut destituer le ministre de la Défense nationale, qui est à la tête de la conclusion d'un accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon.